Ceci est l'histoire d'un accord avec une fille de 17 ans qui était en désaccord avec sa sœur de 18 ans. Quand la mineure chantait avec la majeure, elle détonnait. Mais elle chantait naturel comme un concerto. Mais sa sœur avait un défaut, c'est de l'avoir un demi-ton trop haut. Quand la mineure chantait avec la majeure, elle détonnait. Ensemble, elle chantait. Et elle détonnait. Mais un jour, un compositeur a solutionné le problème. Et c'est alors que la mineure est devenue la septième. Et quand la mineure chantait avec la majeure, elle détonnait. Et ensemble, elles chantaient. Et elles détonnaient. Et quand la septième chantait avec la majeure, elle nous étonnait. Ensemble, elles chantaient. Ensemble, elle nous étonne.